Ceci est un panneau d'avertissement. Il signale longtemps à l'avance une sortie ou une bifurcation. En l'occurrence, il s'agit d'avertir une sortie avec indication du numéro de l'échangeur.